Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean-Guy Lafrance, homme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, mon nom est Patrick Desrandeaux, homme d'affaires. Enchanté. Bonsoir, Daniel. Ce soir, le titre de la conférence, « À quel âge êtes-vous mort? » À savoir si on est vivant. « À quel âge êtes-vous mort? » J'ai plein de questions qui m'arrivent. J'ai plein de réponses, là, ça va. Ouais. La première question, c'est à quel âge êtes-vous mort? J'ai déjà entendu parler de réincarnation. Tout de suite, ça me réfère là. Bon, je serais mort dans une autre vie. Moi, ça me convient pas comme question. À savoir, dans d'autres vies, ça ne m'intéresse pas. OK. Premièrement, bon, le titre, ce titre-là, c'est moi qui l'ai choisi. Je vais changer un petit peu. Ah. Avant de parler de la mort, ben, à quel âge êtes-vous mort? Souvent, je posais la question à des jeunes, à quel âge es-tu né? Là, ils partent tout à rire, puis tu étais au moins né à 9 mois. Bon. Oui. Il y a des questions souvent qui semblent ne pas avoir de sens, mais qui en ont beaucoup plus qu'on peut penser. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, bon, on va parler de la mort que tous les humains vivent vers l'adolescence. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce que je dis fait partie d'un point de vue et vous devez conserver des points de vue qui vous sont propres et ne pas accepter le point de vue, mon point de vue entre autres, uniquement parce que je parle, bon, devant un public. Parce que je suis une autorité, parce que je suis interviewé. Régulièrement, continuellement, à travers la vie, l'être humain va faire des mises au point, va faire des conscientisations, évolue, améliore, se prend conscience. Et ce qui est important toujours, c'est de savoir pourquoi on accepte de nouvelles idées, pourquoi on les refuse, et non pas d'accepter comme ça au fur et à mesure que ça vient uniquement parce que ça vient de quelqu'un comme Daniel Kem ou comme qui que ce soit. On mourrait encore une autre fois de toute façon si on accepte des idées qui viennent sans qu'on sache trop pourquoi on les prend. Fait que c'est en acceptant souvent les idées des autres qu'on meurt. Parce que moi, qu'est-ce qui me vient à l'idée? J'avais 12 ans, puis je voulais faire ma vie. Fait que j'ai pris le vélo de mon frère. Puis, c'est une façon comme une autre de faire sa vie. Et un petit sac à dos avec une boîte de billes, puis je suis parti. Puis la limite où qu'on avait le droit d'aller en bicyclette, c'était la côte sur un côté, la rue principale, puis la croix à l'autre bord. Fait que là, moi, je me dirigeais vers la côte. Mais j'ai fait une crevaison. Je suis revenu. T'as fait une crevaison? Oui, j'ai fait une crevaison avec la bicyclette. Je suis mort, là, j'imagine. Je suis revenu à la maison, j'ai pas dit à personne, là. Je me suis pris plus tard, quand j'ai grandi. Il en faut pas gros pour empêcher quelqu'un, hein? T'étais pas gros! T'étais pas un figure dangereux, c'est ça, c'était pas là. T'étais pas un figure dangereux. À 14 ans, ça s'est concrétisé, là. Là, c'était un avion de chasse, t'as volé. Ouais, c'était ça. Mais moi, ma... Puis c'est là, c'est que t'acceptes, j'ai accepté quelque chose qui était contre moi. Moi, je voulais partir, mais parce que j'ai une crevaison, je peux pas partir. Donc, j'ai accepté, là, l'évidence. Oui, mais peut-être aussi que tu voulais partir parce que tu étais déjà mort. Puis peut-être que tu n'étais pas mort du tout, même après la crevaison. De toute façon, on va voir de quelle façon... Bon, ben c'est ça. Mais là, on parle de mort, là. Qu'est-ce qui meurt, finalement? Parce que là, tout le monde, si on demande à tout le monde ici, tout le monde va dire, ben je suis en vie, là. Donc, y a quelque chose qui est plus là, qui était là, ou quelque chose de différent qui est là, qui n'était pas quand on est jeune. C'est sûr que je ne suis pas le même que quand j'avais 8 ans. Pour moi, la mort, c'est pas l'extinction, c'est pas une disparition, c'est pas une désintégration. Okay. La mort, c'est un état d'inconscience. L'être humain qui meurt, le corps physique, quand le corps physique en aura le bol de conserver l'être humain, disons, quand le corps physique meurt, l'être humain se ramasse dans le plan moroncial, il y a un corps vital, le corps vital finit par se dissoudre, bon, puis l'être humain gagne le ciel, le monde de la mort, le monde astral. Et il y a une étape d'inconscience généralisée, c'est-à-dire que tous les plans de la conscience humaine, la conscience qui habitait le corps, se dissolvent lentement dans le monde de la mort. Et on appelle ça la purification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne reste plus rien, c'est pur. Et à un moment donné, il y aura réincarnation Inconditionnel, c'est le corps physique qui attire du monde de la mort, ce qui va s'incarner à l'intérieur. Ce n'est jamais l'entité qui est morte qui décide du corps qu'elle va prendre. Parce qu'on aurait tous pris un autre corps de toute façon. Le corps physique attire, et au fur et à mesure de la croissance du corps physique, la naissance, bien évidemment l'état fœtal, embryonnaire, fœtal, bébé, bon nourrisson, enfant, jeune enfant, adolescent, etc. Au fur et à mesure de la croissance du corps physique, on attire des mémoires réincarnationnelles, donc on se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de sa vie. La période d'inconscience, c'est ce que j'appelle, moi, la mort. Alors, quand l'être humain se réincarne ou quand l'être humain ressuscite, c'est-à-dire qu'on suscite à nouveau, mais la résurrection implique qu'on prend votre corps physique, qu'on revitalise. La résurrection implique que c'est le corps qui est suscité de nouveau. C'est une résurrection, une ressuscitation. Il n'y en a pas eu beaucoup. Alors que la réincarnation se fait dans un autre corps. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la mort, c'est une étape d'inconscience qui peut être éternelle, qui peut être temporaire. Temporaire, c'est que en étant inconscient, dans notre vie actuelle, on est mort. La majorité des corps physiques actuellement vivants sur la planète sont habités par des âmes mortes. La majorité ne sont pas conscients d'être là, conscients d'être assis, conscients de réfléchir, conscients d'être en train de s'engueuler. Quand tu es conscient que tu es en train de t'engueuler, tu ne t'engueules plus parce que tu as autre chose à faire de la vie. Oui, c'est assez. Quand tu es conscient que tu es en train de travailler, puis travailler, puis travailler pour arriver à ramasser de l'argent ou à dominer l'autre à côté, bien, quand tu es conscient de ça, tu cesses immédiatement. Tous les êtres humains aspirent aux mêmes choses. Bon, à part quelques corps particuliers qui sont mal organisés, mais l'être humain aspire à la paix, à l'harmonie, heureux, à la sécurité, à l'abondance. Puis l'abondance, c'est pas l'abondance, c'est uniquement pour supporter sa sécurité planétaire. Abondance d'amis, abondance affective, abondance matérielle, mais pas abondance dans le but d'avoir du pouvoir. Mais parce que l'être humain est totalement décentré régulièrement, bien nécessairement, il aura l'impression que quand il domine, il est meilleur. Quand il est meilleur, il se sent en sécurité. Quand il se sent en sécurité, il est omnibulé. Il meurt, il n'a plus conscience de la vie. Parce qu'on a royalement autre chose à faire qu'à dire « Les noirs, c'est des pas bons, puis les jaunes, c'est des pas bons, puis écoute, tu vas mourir dans 50 ans. » Fait que ferme ta grande gueule, fais d'autres choses. Bon, l'être humain souvent meurt. Mais ce que moi, la mort que je veux qu'on parle présentement, c'est une mort, premièrement, qu'on peut réincarner. Donc, il y a une partie de ce que nous étions, bien, moi, je ne suis pas mort, mais il y a une partie de ce que tu étais, toi, qui de temps en temps essaie de se réincarner. Et ça, c'est mort à un certain âge. C'est mort pendant l'adolescence. Alors, deux points. Un, premièrement, y a-t-il une façon de s'arranger pour que nos adolescents, pour que nos jeunes ne meurent pas à l'adolescence? Bien, évidemment, c'est oui. Bon. Y a-t-il moyen d'aller chercher ça? L'autre chose, c'est si tu es mort à l'adolescence, y a-t-il moyen maintenant que tu renaisses à la vie? OK. Comment reconnaître, tu dis, ça cherche à se réincarner chez toi. Donc, l'enfant que j'étais quand j'étais plus jeune cherche à rentrer chez moi. Comment je vais le reconnaître, lui? Est-ce que c'est une saveur de joie de vivre, de j'ai le goût de jouer? Comment ça va se manifester, ça? Bien, premièrement, il faudrait étudier ce que tu étais avant. Hein? C'est pas une question stéréotypée, mm-hmm. Mais il faudrait étudier ce que tu étais avant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, normalement, dans toutes les conditions de vie, l'être humain subit, il n'y a pas de débarbite, il subit une évolution qui est linéaire. Bon, au départ, c'est une évolution, c'est-à-dire qu'inconsciemment, il a tendance à s'améliorer. L'évolution peut être darwinienne, adaptative, elle peut être aussi humaine, où on va adapter les choses. Alors, lentement, il y a une évolution qui se fait, et à un certain moment donné, prise de conscience, l'humain commence à cesser d'évoluer et commence à se conscientiser, ce qui est totalement différent. Ça, c'est la vie qui l'a amené jusqu'à l'évolution, mais une fois que la conscientisation est là, c'est plus la vie qui le pousse à se conscientiser. Non, c'est autre chose qui est instantanée, qui ne provient pas de la mécanique du temps, donc on ne peut pas dire que c'est vivant. Mm-hmm. C'est plus que vivant, mais ça inclut la vie de toute façon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, on va parler juste d'évolution présentement, mais c'est quand l'être humain commence à se conscientiser, s'il commence à se conscientiser, c'est linéaire à son évolution et sa conscientisation va rester linéaire. Si ce n'est pas linéaire, c'est très simple, l'individu se fait harceler sans arrêt par les entités ou carrément, il est en train de se faire gruger pour se faire éliminer. Mais chez l'enfant, c'est ce qui va arriver. Donc, on va parler de l'enfance pour commencer. Pour, premièrement, permettre aux individus, aux gens qui travaillent avec des jeunes ou qui ont des jeunes minimum, de pouvoir faire un travail pour empêcher que leurs enfants meurent. Pour éviter qu'ils meurent. Oui. Et en plus, par la suite, ça va permettre de comprendre ce qui est arrivé, comprendre la mécanique, retrouver les signes qui nous permettent de voir car de temps en temps, nous, on a une tendance à vouloir ce qui est mort, donc nous, à se réincarner, et finalement, voir pourquoi il y a une lutte majeure entre l'être humain qui finalement peut vivre en paix et qui en même temps veut casser la gueule au voisin, l'être humain qui veut partager et qui en même temps veut tout posséder. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bien qui est mort à un moment donné et qui s'est fait matraquer tout le temps de l'enfance, mais surtout de l'adolescence, on arrive à couper la tête. Et ça, de temps en temps, ça veut revenir. Sauf qu'en même temps, il y a toutes les mécaniques qui habitent maintenant le corps physique, vu que l'enfant a été rejeté du corps physique à l'adolescence. Et ces mécaniques-là, elles ont comme fonction de conserver le corps physique, le corps astral, le corps vital, le corps mental, dans le but d'alimenter, finalement, le tueur, qui fait partie du monde astral, qui fait partie du monde de la mort. Mais la crise, là, la crise de l'essence, c'est uniquement le choc majeur entre l'enfant qui veut vivre et ce qui descend à l'intérieur qui veut le tuer. Mais c'est quoi l'enfant? L'enfant, c'est quoi le ça en question? Tu parlais qui se fait rentrer dedans, là, c'est quoi ça, le ça? Parce qu'après, il meurt parce qu'il se fait rentrer dedans, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui meurt? Ça, on pourra en reparler, ce serait une autre conférence. Dans le genre, qui es-tu? Qu'est-ce que... Moi, tu me parles de réincarnation. En partant, déjà, réincarnation, il y a beaucoup de questions attachées à ça. Oui. Bien, on pourra revenir. C'est correct. Sauf qu'on va s'en aller trop loin. Et tu souffres de la même chose que je souffre souvent, moi. C'est quand on me pose une question, je me dis, ouais, mais pour qu'ils comprennent, il faut qu'on parte 15 ans en arrière. Après c'est ça, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse répondre juste là. Puis une fois qu'on a répondu juste là, la personne pourrait dire « Oui, bon, OK, maintenant, on peut y aller. » Sans ça, finalement, on part toujours. C'est pour aller 15 ans en arrière, il faut que tu le fasses dans une heure. Oui, c'est ça, mais là, tu sais... Parce qu'avec avec la question « Quel âge êtes-vous mort? » la crise d'adolescence semble être... La crise d'adolescence, c'est l'agonie. Puis dépendamment de cette agonie-là, moi, je n'ai fait une grosse agonie. Ben oui, c'est sûr, ouais. Parce que tu as résisté longtemps. Ça veut dire que l'agonie, c'est qu'il reste encore quelque chose de vivant, qui ne veut pas mourir, qui se rend compte que là, il en perd des morceaux. Mais l'agonie, c'est que l'être humain réel est en train de mourir, on est en train de l'expulser du corps physique. Mm-hmm. Le corps physique est en changement. Vu que le corps physique est en changement, il n'y a rien de plus... c'est le temps pour une entité, pour une énergie, de venir posséder le corps physique et éliminer ce qui est dedans. Parce que ce qui est dedans, qui est un enfant, on va appeler ça l'enfant présentement, là. Bon, parce que l'enfant est dans un corps d'enfant, comme le corps est en train de s'adultiser, c'est-à-dire que le corps est en train de devenir un corps d'adulte, par une période qu'on appelle l'adolescentisation, parce que le corps physique est en train de devenir un corps d'adulte, il faut que l'enfant s'ajuste, mais l'enfant ne comprend pas les mécaniques du corps d'adulte, parce qu'un corps d'adulte, endocrinalement, permet des choses qu'un corps d'enfant ne permet pas. C'est ça. Le temps que l'enfant se retrouve, tout un paquet d'entités d'adultes descendent à l'intérieur du corps de l'enfant, viennent tuer l'enfant qui est à l'intérieur, prennent le corps physique parce que l'esprit, l'énergie de l'adulte veut avoir un corps jeune, bénéficier de la sexualité d'un corps jeune et bénéficier de tout ce que le corps jeune pour l'adulte permet, c'est-à-dire courtiser, bien paraître, vivre plus longtemps, sexualité. Un paquet de problèmes, finalement. Bon, okay. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'enfant là-dedans, lui, a un corps physique qui commence à s'adultiser et il ne connaît pas les mécaniques qui permettent le contrôle. Puis quand je dis ne connaît pas, c'est pas nécessairement l'ego qui ne connaît pas. Vous ne connaissez pas les mécaniques de votre digestion, mais vous connaissez suffisamment les mécaniques de la digestion au niveau de vos structures pour pouvoir digérer. Mais c'est pas nécessaire de dire, t'es un peu, moi, tasser l'estomac-là, on va écraser la pinotte. Là, on va tasser ça, là. T'sais, on n'a pas besoin de faire ça. On connaît suffisamment, du point de vue de l'interpréteur actionnel, la mécanique du cœur pour permettre que le cœur batte, même quand on dort. Si l'enfant n'est pas entouré d'adultes... Ça ne change rien. Du moment que le corps physique de l'enfant commence à devenir un corps d'adulte, les mutations physiques qui vont s'opérer à l'intérieur vont faire en sorte qu'il va y avoir un paquet de médiateurs biologiques qui vont commencer à se promener, qui sont des hormones. Les hormones sont la voie d'expression de l'âme à l'intérieur du corps physique. Et c'est l'hormone, bon, on a l'hypothalamus, on a l'hypophyse, et tout ça, c'est relié à ce qu'est la psychologie, à ce qu'est l'homme. Bon, la femme, quand elle approche de la ménopause, ou la femme qui est en phase ménopausée, à un moment donné, souvent, ces femmes-là ne se reconnaissent plus. Pourquoi elles ne se reconnaissent plus? C'est parce que ce sont des entités d'adultes et parce que le corps est en train de cesser de sécréter différents types d'hormones à la ménopause, bien, l'expression dans le corps de l'ego L'ego essaie d'exprimer ce qu'il a toujours exprimé ces 40 dernières années. Et dans le corps de la femme, ça ne s'exprime plus. Parce que ces sécrétions hormonales-là ne sont plus là. Et la lecture de l'ego dans le corps par les récepteurs spécifiques du corps fait en sorte que la femme, elle essaie, inconsciemment, l'ego essaie d'exprimer quelque chose qui n'est plus exprimé dans le corps, donc qui n'est plus lu par l'ego. Alors, l'ego a l'impression de ne plus pouvoir s'exprimer ou il a l'impression que ce qui le lit dans le corps physique, ce n'est pas lui. Donc, bref, qu'il ne se reconnaît plus. Donc, c'est le moment de racheter l'ego, ça? Oui, mais là, oui, sauf que ce qu'on va faire, normalement, c'est qu'on va donner des hormones, par exemple, aux femmes qui ont le plus de problèmes, et ça va, là, ils vont se retrouver. L'enfant, la problématique de l'enfant, c'est que les hormones qui sont sécrétées dans son corps ne sont pas en quantité comme celles de l'adulte, et il y a des hormones qui ne sont à peu près pas, sinon pas sécrétées. Et lui, son problème, c'est quand le corps commence à sécréter ces hormones-là sont sécrétées un peu, d'une façon complètement aléatoire au départ. Et donc, l'enfant lit dans le corps physique des réactions qu'il ne connaît pas, donc il ne se reconnaît pas. Le temps que lui va s'ajuster à ça, il y a des entités adultes qui vont maintenant être attirées par le corps physique parce que ces entités-là peuvent maintenant se servir du corps physique pour s'exprimer dans le corps physique, donc se lire dans le corps physique, donc s'alimenter, donc se réincarner. Alors, ces entités-là vont immédiatement, et évidemment, ça dépend de, pas de l'âge de l'enfant, mais pas de l'âge chronologique, mais ça dépend de l'âge biologique de l'enfant. Puis de la puissance des entités, il y a de la différence. Hein? Les entités sont toujours à peu près très, très puissantes. Ça va dépendre, évidemment, de la centricité de l'enfant. Par exemple, si le ou la jeune a appris à s'aimer pour ce qu'il était ou ce qu'elle était, les entités vont avoir beaucoup plus de difficultés à pénétrer à l'intérieur parce que la jeune va être capable de résister. C'est quoi une entité? Les entités, ce sont des mémoires d'adultes. C'est de l'expérience. Tout ce qu'on fait au niveau de la vie est mémorisé par la matière. On peut l'enregistrer, on peut le photographier. Bon, de la mémoire photonique ou de la mémoire carrément électronique, la mémoire audio ou vidéo, les vidéos. Et chaque pièce, chaque atome, chaque vibration, chaque molécule, l'air, de toute façon, est un très, très, très grand mémorisateur. Et tout ça au complet conserve des mémoires. Et ces mémoires-là, c'est comme, par exemple, tu prends une cassette audio. Il y a de la mémoire dessus. Mais si tu le mets sur ton oreille, tu n'entends rien. Il te faut aussi le bon lecteur. Si tu n'as pas le bon lecteur à la bonne vitesse, ça ne va rien te donner. Et le corps physique devient un lecteur de la mémoire. C'est un très, très bon lecteur de la mémoire. D'ailleurs, on peut se rappeler des choses, etc. Mais on peut aussi avoir de l'inspiration, ramasser des mémoires. Le corps physique est un bon lecteur. Quand le corps de l'enfant devient un corps d'adolescent, il devient un lecteur phénoménal de mémoire d'adulte. Et la problématique, c'est que quand ces mémoires-là commencent à vivre dans le corps de l'enfant, elles font tout pour éliminer l'enfant. Et d'ailleurs, l'adulte de connivence, inconsciemment, parce que nous sommes, enfin, pour la majorité, les êtres humains qui ont des corps adultes sont devenus adultes. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut dire être adulte, c'est correct, mais en même temps, si on regarde l'adulte, c'est lui, l'adulte, et là, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que tu es un adulte, puis tu n'en es pas. Bon. Ça dépend de ce qu'on veut mettre sur le mot adulte. Mais une chose certaine, c'est que l'adulte est celui qui domine, c'est celui qui fait la guerre, c'est celui qui va punir, c'est celui qui invente les drogues, c'est celui qui va inventer les... Bon, etc., etc. Parce que, bon, l'enfant, on va dire l'enfant, souvent les enfants sont extrêmement sadiques entre eux. Maintenant, il faut voir aussi la coloration du monde adulte dans leur psychologie. On leur sert sans arrêt, des sucreries pour tuer l'enfant au départ. Alors, on essaie inconsciemment, évidemment, c'est pas une question de culpabilité, mais la société va fournir aux jeunes, dans les dépanneurs, dans les maisons, à Noël, à Pâques, etc., le plus de sucre possible pour anéantir, pour altérer au maximum les corps physiques des jeunes pour qu'ils soient le moins solides possible pour se faire ramasser à l'adolescence. Mm-hmm. Mais en plus, c'est pas long, en plus, vous me défoulez, en plus, en plus, on va continuellement répéter aux enfants, cesse donc d'agir comme un bébé. Un bébé, ah, tu fous ça poubelle, un bébé, c'est un bébé. Cesse donc d'agir en enfant, agis donc en adulte de temps en temps. Sois responsable. Alors, continuellement, on va répéter ça, ou encore, cesse de faire des enfantillages. T'sais, à 8 ans, tu fais des enfantillages, c'est tout à fait normal, tu sais. Mm-hmm. À 25 ans, tu fais des adultillages, bon. Mais les adultillages, ça va être quoi? Ça va être de croiser la fille qui est là-bas, de regarder ses gros seins, de regarder ses fesses, la fille, elle va regarder les culottes de l'autre. C'est de ça, c'est des adultillages, tu sais. Mais ça, c'est correct, ça, là. Tu sais, il y en a une bonne bière de temps en temps. Ça, c'est normal, ça, c'est normal, ça. Là. Non, c'est pas normal. Ça, c'est correct. Mais se chicaner pour un bout de papier, c'est du enfantillage. mais se chicaner avec sa femme ou avec son mari pour ce que peut-être qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait, ça, c'est correct. Mm. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, même ce qui investit déjà l'adulte a tendance à tuer l'enfant. Alors, l'enfant, dans toutes les structures éducationnelles, c'est de l'éliminer au maximum pour remplacer ce qui habite par des mémoires d'adultes, de façon à ce qu'il cadre avec, de façon finalement à ce que le corps physique puisse servir de réceptacle à nos propres mémoires qui allons s'incarner à l'intérieur maintenant ou dans 20 ans ou dans 250 ans. Et il y a tout un gros phénomène au niveau des plastros pour empêcher ce qui est finalement candide, naïf, pas imbécile, naïf, pour empêcher ça de poursuivre sa vie et de cumuler de l'expérience. L'enfant, par exemple, va être inefficace dans certaines situations de la vie parce qu'il a 8 ans mémoriels d'expérience sur la planète. Mm-hmm. Mais le même enfant, s'il avait 80 années d'expérience, gérerait mauditement mieux la planète que l'adulte qui, lui, va se ramasser avec un paquet de stéréotypes de ce que doit être l'adulte. Mais c'est de l'expérience quand même, ça. L'adulte, ce qui vit sur la planète, c'est quand même de l'expérience aussi. Oui, sauf que l'adulte, lui, est mort. Autrement dit, chez l'enfant qui a 80 années d'expérience ou 25 ans d'expérience ou 45 ans d'expérience, donc un enfant qui habite un corps d'adulte et qui a de l'expérience de vie, lui, il est toujours là pour gérer les mécaniques. Ça veut dire que le petit gars, la petite fille, à 4 ans, trouve que fumer la cigarette, c'est ridicule. À 12 ans, il trouve que c'est ridicule. À 16 ans, il trouve que c'est ridicule. À 25 ans, il trouve que c'est ridicule. L'enfant qui se fait tuer, à 8 ans, il trouve que c'est ridicule. À 12 ans, ça, il tente d'essayer. À 14 ans, il fume comme une pipe, puis il en va chier ceux qui ne fument pas. Puis à 16 ans, il continue à fumer, puis à 45 ans, peut-être, dépendamment des modes, il va vouloir arrêter de fumer, etc. Lui, il s'en allait dans une phase linéaire, et à un moment donné, clac, clic, tac, tout se met à fonctionner aléatoirement. Tu reconnais plus le jeune, il se reconnaît plus, il s'en va. Il aimait ses parents, il les envoie promener. Il voulait aller à l'école, il voulait réussir, il veut plus rien savoir de rien. Il est en train de mourir. Bon, OK. Là, on parle de perte d'une certaine identité quand on parle de l'enfant. Tu parles, moi, ce que j'aimais t'entendre dire, là, c'est la candeur, la simplicité, ça. OK, moi, je vais répéter. La candeur, la simplicité. OK. Je vais repasser à la cassette plusieurs fois, ce bout-là. Bon, bien ça, évidemment, on retrouve pas ça chez un adulte, sauf des rares exceptions. Mais non, on trouve jamais ça chez un adulte. Mais on peut retrouver ça chez une grande personne. OK, c'est ça. OK, c'est ça, la nuance. Oui, c'est parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des séminaristes, de temps en temps, on les voit arriver, ils ont 60 ou 65 ans, je sais pas trop quoi, mais ce sont des petites filles. Puis pas par le... Puis c'est ça, souvent, l'adulte va dire des petites filles. Oui, franchement, t'engages pas ça. Non, c'est ça qui est l'idée, c'est qu'on a tellement peur de la pureté. Mm-hmm. Bon, elle prend de l'expérience. Bon, la petite fille s'est rendue compte qu'écraser des grenouilles avec ses souliers, c'est pas l'idée. C'est pas parce qu'elle est rendue adulte qu'elle fait ça. Les adultes, ils tuent le monde. Mm-hmm. Non, l'expérience fait que... Mais ça reste une petite fille. La petite fille, elle est capable de faire ceci, de travailler, de gérer des choses, sauf que quand tu la regardes, elle a toujours un pétillement. Mm-hmm. Bon, elle s'habillera pas nécessairement comme un adulte. Tu sais, elle n'aura pas... Prenons l'exemple d'une jeune fille. Avez-vous déjà essayé de maquiller convenablement? Puis ça, quand je parle du maquillage, je perds la moitié de ma clientèle, en tout cas. Mais de maquiller convenablement une petite fille de 8 ans. Tu sais, lui mettre des trucs là, puis on va dire puis du rouge à lèvres, puis un petit peu de bleu. Puis... Tu sais, essayez ça, une petite fille de 8 ans. Et qu'elle va avoir l'air. Bien, c'est ça. Bien, 25 ans, tu as l'air de ça aussi. Sauf que ça fait partie du... Bien, non! Moi, j'ai déjà dit à ma fille qui se maquillait, elle dit « Pourquoi t'aimes pas ça quand je me maquille? » Je dis « Essaye de t'imaginer, moi, maquillée. » Elle dirait « Ben, t'as l'air de ça. » Oui, c'est une question. Pourquoi les hommes se maquillent pas? Si je me mets du rouge à lèvres, elle allait me trouver. Ben oui, mais je ressemble à une femme qui a du rouge à lèvres. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai, bon, ça. Bon, j'ai des lèvres vertes, des lèvres mauves, des lèvres rouges. Ben, moi, sauf que l'adulte finit par accepter le mascara. C'est ça. OK? Parce que ça fait partie de tuer l'enfant. L'homme veut pas avoir. La majorité des mâles, des adultes, ne veulent pas rencontrer chez la femme une jeune fille. Mais non, faut que ça ait des gros seins, des grosses fesses, faut que ça ait des lèvres, tu sais, qui est un goût d'aller. Bon, faut que tu aies des gros, des affaires, tu sais, pour te masser la face, qui t'embrasse, des cils. Mais l'homme, l'adulte a besoin d'avoir quelque chose de sexué. Ouais, si les femmes ressemblent à des jeunes filles. Pour la majorité des mâles, c'est Pas intéressant du tout. Fait que j'ai été traumatisé, Daniel. À 5 ans, ma mère m'avait habillé en fille. Fait que... Ah, ça doit être ça. Ça laissait des traces. Puis, mais toi, bon, OK, avant de te laisser aller plus loin, là, bon, tu parles que l'enfant, à l'adolescence, vit de plus en plus, disons, à cause que son corps physique change, ça va amener une accentuation des hormones, ce qui fait que ça va permettre des mémoires d'adultes de rentrer. Puis là, il en rentre tellement que là, à un moment donné, lui, il ne se retrouve plus. Puis finalement, son identité, ce que lui était, n'est plus là. Mais attends, alors là, tu rencontres des individus qui sont encore enfants dans des corps de grandes personnes. Alors, qu'est-ce qui fait que ceux-là ont passé puis d'autres n'ont pas passé? C'est okay. Quoi qui fait? C'est correct, mais il faudrait revenir un petit peu plus loin avec cette question-là, parce qu'avant... C'est la même chose que mon ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il faut expliquer certaines choses. OK, on moi j'étais... Juste des petits exemples avant, comme par exemple pour toi, ce serait pas long pour toi, là. Comme, mettons, bon, ça semble un peu clair pour plusieurs, c'est un peu clair, effectivement, qu'à un moment donné, l'enfant finit par être... on le tue, on le remplace. Quand un enfant, par exemple, dit, on va promener ses parents alors qu'il s'entendait bien avec eux 2-3 ans avant, c'est quand l'enfant veut rien savoir de ses parents, quand l'enfant dit, écoutez, ça vous regarde pas, essaie d'imaginer qu'un adulte rentre dans le corps d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, mémoire d'adulte. Là, la mémoire d'adulte ouvre les yeux et là, oh, horreur, c'est mon père! Yeah. Il n'est pas quelqu'un. Moi, je suis un adulte là, maintenant dans le corps du jeune. Alors, moi, là, il n'est évidemment pas question que tu viennes te fourrer dans mes affaires. C'est clair, la bonhomme? Mais attends, ça peut être correct aussi que l'enfant... Et là, moi, je te rejette. Mais Daniel, ça peut être correct que... ma fille, on jase de bien des choses, puis à un moment donné, elle me dit, ça, je ne veux pas en parler. Mais elle a ses secrets, puis c'est correct aussi. Oui, elle a ses secrets, puis ses frustrations, puis ses maladies, puis etc. C'est correct. C'est ridicule et stupide. Non, c'est stupide. Moi, je voulais fuguer tout le temps, puis j'étais rebelle. Puis, on m'a soumis l'idée de rentrer dans l'armée. Puis, quand je rentrais dans l'armée, c'était tout correct. J'étais parti de la maison. Mais deux ans après, l'armée n'était plus correct. Non. On parle après, là. Combien de temps après que l'armée n'était plus correct? Pas longtemps. Une saison. Mais là, Daniel, la manière que tu parles, c'est qu'au moment où on meurt, on devient imbécile, niaiseux, on n'est plus d'expérience, on n'est plus efficace. Là, il y a un adulte à l'intérieur qui est en train de me parler. Non, mais écoute, il faut bien je me porte le défenseur des adultes. En plus, il m'entend. Ça va passer. Mais c'est vrai, l'expérience planétaire, quand même, ce qu'on a bâti depuis le temps, là, c'est quand même l'expérience planétaire. C'est les humains, c'est les adultes qui ont fait ça. C'est quand même bien. Sais-tu à quoi ressemble l'adulte? Bon, puis là, il faut bien comprendre que le manque d'expérience chez l'être humain va expliquer évidemment certaines choses. Mais l'adulte bâtit une ville et après détruit la ville. OK? Mm-hmm. Combien y a-t-il de villes actuellement qui datent de plus de 400 ans? Hein? Qui n'ont jamais été altérées par aucune guerre? Il y en a des villes qui ont été rasées complètement, on les a rebâties. Puis si on... Bon, le jeune, il se bâtit un château de sable sur la plage, après ça, il saute dedans. OK? L'adulte, lui, il se bâtit une ville, il met des humains dedans, puis après ça, il élimine tout. Bon. Et, bon, ce qu'il faut comprendre, moi, je parle à des jeunes qui ne sont pas altérés. Alors, si je dis, bon, vois-tu, ce produit-là ici, là, c'est une substance chimique, hein, qui contient du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, et ça, non seulement ça tue le corps physique, ça tue les neurones, ça empoisonne à long terme régulièrement, ça atténue les capacités d'être bien dans le corps physique, ça engendre la carie, ça fait ça. Demande ça à n'importe quel enfant. Est-ce qu'on devrait donner ça aux gens qu'on aime? Ils vont dire non. Mais demande à un adulte, il va te dire, ben oui, mais là, tu sais, si l'autre aime ça, tu coupes. OK? Combien d'adultes ont fait des pressions pour qu'on ôte la violence à la télévision? C'est une enfant qui l'a fait. OK? Bon, c'est sûr qu'elle a été marquée par l'assassinat de sa soeur. Bon, mais c'est une enfant qui l'a fait. Là, les adultes vont dire, oui, mais les adultes, écoute. Non, l'enfant est capable de réveiller, de ramener lentement des jeunes à l'intérieur des corps physiques. Puis ces personnes-là, finalement, parce que la jeune vient les voir pour la pétition, on se projette, on se représente, puis finalement, tu sais, elle attire les mémoires de jeunesse. Là, on est d'accord. Mais même encore là, il y a des spécialistes adultes qui vont dire que la violence à la télévision n'a pas d'influence sur la jeunesse.